بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كلمات، كيف تقول بشيء؟ يصطاد. يصطاد، يصطاد. ما معنى دفة؟ Comment on dit un pont? Gisle. Ou le jam? Zoussou. Mamana as-soudoud. Barrage. Des barrages. Chayyeda ou chayyido? Bâtir, bâtir. Mamana mouallidat. الطاقة الانرجي عبر يعبر traversé comment on dit réfléchir فكر فكر ça c'est نعم un وزن et le وزن dans le texte c'est lequel فكر c'est تفكر ما معنى أمد يمد نعم الأسئلة متى عرف الإنسان النهر من زمن بعيد أين عاش على ضفة النهر صح؟ نعم شوف صحيح اذكر بعض بعض فوائد النهر يزرع الأرض وتسقيها من مياهي مياهي ويشرب منه الحيوانات أعيد جملتك يزرع الأرض من يزرع الأرض النهر لا C'est le fleuve qui cultive le sol. L'insan. L'insan. يزرع الأرض من ويسقيها من مياهه. C'est le nahar, c'est ça? Là, c'est l'insan toujours. Les eaux du fleuve, quoi. Lui, il arrose plantation avec les eaux du fleuve. Ouais. C'est l'insan. C'est pas le nahar qui fait ça. Mais le hit, ça revient à l'insan, ça. Le hit. Là, ça vient au fleuve. Yashrab minhu. Tu peux dire Yashrab minhu l'insanu ou tu peux dire Yushrabu minhu. Ou Yustadu minhu. هل يخص النهر بفوائده بعض الناس أو ينفع الجميع وضح ذلك يخص بعض الناس الذي أنا مش trop j'ai pas raison en fait c'était quoi c'est ce que ça profite à que aux autres des gens ou à tout le monde quoi نعم لا يا وكذلك والحيوانات وكل الأشياء النبات كذلك يستفيد منه الجميع ماذا تفعل ماذا نفعل ولا الدفة نشيد الجسور ونفعل الجسور ستكون نشيد وش sais pas si c'est ça qui meurt. Mais bon, le mana sahih. Hena Aisha l'a dit Fatihib. Mais bon, ce que tu as dit, c'est il y a trop le film. بما يشعر الإنسان وهو جالس على ضفته يطمئن يعني في زيرو تكست في الرقص نعم يشعر وهو جالس على ضفته بالراحة ويتفكر في قول الله عز وجل ثم ذكر الآية سي لا داني بارتي داني بارتي دو تكست افون الفيرس لماذا بنى الإنسان السدود؟ لتتجمع المياه. المياه. فقط؟ ما في الفلوف يوجد ذو. يعني. سي كوال كوز؟ التجمع التجمع من المياه. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin que les eaux se rassemblent là؟ تستفيد منه منها زارعة. زراعة إذا توقف الأمطار عظم إذا توقف الأمطار الماء ما زال موجودا même s'il pleut plus il y a toujours de l'eau qui est là en désert ما فائدة الجسور ليعبر الإنسان عليها من ضفة إلى ضفة أخرى لا الله يبارك فيك. après c'était le partie ah non il y avait une sabia. Sabia. Ah non très bon. Ayo تفضل. Alors. الضيفة نعمة للإنسان فيه فوائد كثيرة. Et maul de fille chou. La fawaïd. Diffa Non, fil nahr. Ah, yo. Tu peux dire fil de fawaïd et le ha, on ne sait pas à quoi il revient. Un domi, elle est forcément possédée par quelque chose. Tu peux dire un nahr, fihi, fawaïd, kathira. Moi, j'ai cru que tu parlais de diffa, moi. Ah, bon, moi, c'est vrai que je suis sur lui, j'ai un nahr, fihi, fawaïd, kathira. Non. Un risque. Ah, pardon. الرزق أيوه. للذي يصطاد السمك فيه يعني سي عارف celui qui pêche c'est le risque de quelqu'un qui pêche dedans لا tu peux dire فيه الرزق okay. لمن يصطاد فيه النهر الرزق فيه الرزق لمن يصطاد السمك يصطاد السمك مثلا ici trouve la substance pour ceux qui pêchent le poisson السيف فصل جيد نعم ensuite c'est une bonne saison فكر محمد على هذا النهر هذا النهر وبعد ذلك بنية بنى هنا بنى هذا الجسر مع أصحاب العمل مثلا مع أصحاب عملي كي محمد réfléchit sur le fleuve et après il a construit un pont avec ses collègues il manque quoi là il manque je crois Amada هذا النهر لا أمد هذا النهر أمد هذا النهر كمان السكنة les habitations المسكن السكن مساكن والسكنات أمد هذا النهر السكنات التي قريب منه التي هي قريب منهم التي هي قريبة منه منه هي Et aussi, je vais avoir une dernière. C'est ça le problème, c'est que tu dois laisser ma foi. C'est lequel qui manque? Soudoud. Allez voir. Soudoud. Ah, mais tu m'as dit, Soudoud, Kazaba, Kazaba, Kazaba. Soudoud. Moufidjid. Moufidatoun. Moufidatoun. Yann Abi. Soudoud. لتجمع المياه مفيدة جدا. أفلا. الثامن. ما التفاز الوضع؟ خرج سالم من بيته وذهب إلى النهر. وجد كثيرا من الناس على الضفة. كانت المناظر كثيرة وجميلة. لا. T'as oublié une phrase. Ah, ok. Juste avant celle-ci ou encore avant? Avant. Ça commence bien par Kharaja Salim. Non. Kharaja Salimun min bayti wa dhahaba ila an-nahr. Non. Wa ba'd. Aïe. Wa ba'd n-sara masafatan wa sala. Et arrivé quoi? Wa sala. Non. Ensuite, wa wajd. ووجد كثيرا من الناس على الضفة. كانت المناظر كثيرة وجميلة. Ensuite, وبعد أن تعب رجع إلى أهلي مشروعا وبعد أن لأنه قاد وقتا ممتعا. إيه لا ستيم. في نورفلين لا. سيو. خلفة. Ok, cela doit être mon avis. Moi j'ai la cathédrale de Minanès à la défense. Ensuite, cela. Tawahala, Tajawala, Muddadan Taïban, Taïbatan à la défense. Wabard en Taïba Rajaïla, Ali Masrohan. Wabard en Yenna Hunkada, Mortan Moutian, je sais quoi. Peut-être que c'est le Yannahu Kada, c'est avant. Là, c'est mon dernier, tu peux le mettre en dernier. Il va perdre un Taïba, Rajaï de Ahmi Mustouan. Non, Yannahu Kada, Mokten Moumtiaz. C'était tout. Pareil. Atroul fi Ders Njadid, Ders Tassi Achar, 19e leçon. Ridu El Fitr. عيد الفطر في العيد كي يلوي أفقى صيام رمضان. كلمات الجديدة جمع لا جمعون يبل دير على باس جمعون سا غروب سا دو بلوريال لا يبل دير غرون نوم دو جون اون فول عظيم معروف نص انحاء هو جم نحو بمعنى جهاد ديريكسيون أسر جمع أسرة سي لي فامي وجوه هذا هو جمع وجه فيزاج لا سي لو بلوريال فرق يفرق سي لو فات دو ديفيرونسيي سيباري غني ريش سواسية معنى متساوون أي إيغو إيغو ضاحك سي كيكان كي ريغول أخوال سي الجم دو خال الخال سي كي الخال le père de la mère le père de la mère le frère de la mère le père de la mère c'est le djed c'est le grand-père le frère de la mère l'oncle maternel أعمام جمع عم اللي عم سكي لوك باتانال جيران جم سي الجم دو جار سي لو وزن عبارات سي اكسبرسيون فورمول أعاد يعيد سي ريكومونسي عندنا حوار بين شخصين je vais lire une fois d'image. Plus قاسم وانت ستقرأ جون قال جون شاب فرنسي يحب الرحلات والاطلاع جون جون جون c'est un jeune français qui aime les voyages et les découvertes. الاطلاع c'est l'enfance de découverte, c'est pas comme اكتشاف, c'est يعني apprendre des choses à casa. Et جون c'est pas du tout un nom français, pas du tout, c'est un nom américain. زار العراق لدراسة اللغة العربية فتعرف على قاسم زميله في الجامعة. Il a visité l'Irak pour y étudier la langue arabe et là-bas il y a connu قاسم son camarade à l'université. وفي إحدى العطلات دعا قاسم جونا لزيارته في مدينته التي يعيش فيها. Et lors de vacances, قاسم a invité John pour le visiter dans sa ville dans laquelle il vit. وافق جون وقبل دعوة صادفت وقبل الدعوة donc جون il a accepté l'invitation. صادفت زيارة جون عيد الفطر المبارك et que la visite de جون a coïncidé avec عيد الفطر المبارك. وفي الصباح يوم العيد استيقظ جون مبكرا et le matin du jour du عيد جون s'est réveillé tôt. فراى الناس وهم يذهبون إلى المصلى et il a vu les gens aller au Moussalla. وعندما عاد صديقه قاسم دار بينهما الحوار التالي. Et lorsque son ami est revenu, قاسم, il y a eu le dialogue qui suit entre eux. لم أرى مثل هذا الجمع الكبير من المصلين من قبل. فيا له من جمع كبير. Il dit, je n'ai pas vu un tel, un si grand nombre de Moussalliin auparavant. Quel grand nombre là, Faya Allahu min Jam Kabir, c'est une forme d'exclamation. Ta'adjoub. Ata'arifu ya John, limaza hada al-jam al-kabir. Est-ce que tu sais, John, pourquoi il y a ce grand nombre? Non, là. Non. Qasim kol yenna z musafirin min al-biladina. Ya'uduna min ba'di anha al-bilad. Wa min khalijia. Liyakudu ma'a ussarihim. Otla ta'id al-fitr al-mubarak. Car beaucoup des gens qui étaient en voyage de notre contrée reviennent de différentes directions du pays et à l'extérieur, à l'étranger, pour pouvoir passer avec leur famille les vacances du Eid Mubarak. Voilà, enfin. Et donc je constate, je remarque qu'ils portent tous de nouveaux vêtements et qu'il y a sur leur visage des signes de la joie. نعم ولماذا لا يفرحون وقد صاموا رمضان وأخرجوا زكاة الفطر وصلوا صلاة العيد. Il dit oui, et comment et pourquoi ne sont-ils pas contents alors qu'ils ont fait le siyam, ils ont jeûné Ramadan, qu'ils ont sorti la zakat, zakat al-fitr, et ils ont fait salat du Eid. Alors, واضحون أنه لا يبقى تشدد سواء طالب واضحون نعم أنه يوم سعيد فجمع فجمع فجمع فجمع فجميعكم فجميعكم تظهرون كأسر كأس كأسرتنا كأسرة واحدة. Il est clair que c'est un jour de joie et vous apparaissez tous comme étant une seule famille. نحن جميعا في الإسلام إخوة والحمد لله لا فرق بين الغني والفقير والقوي والضعيف فكلنا سواسية. Il dit oui, en islam nous sommes tous des frères mélangés à Allah, pas de différence entre le riche et le pauvre et le fort et le faible, nous sommes tous égaux. شيء جميل واسمعهم يذكرون بعض العبارات هل يمكن أن توضحها لي كي أفهمها. Il dit, c'est une belle chose. Et j'entends des gens dire certaines formules. Est-il possible que tu me les expliques, que je les comprenne, afin que je les comprenne. يناهي بعضهم بعضا بالعيد ويقولون كل عام وأنتم بخير. حيك الله وأبكاك عيد مبارك أعاده الله علينا بالخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وغير ذلك من عبارات التهنئة. شكرا. Il dit, ils se félicitent les uns les autres pour le Eid. Et ils disent, chaque année, et vous êtes bien. Que Allah vous salue et vous fasse demeurer, c'est-à-dire vivre. Eid Mubarak. Que Allah nous le rende en bien. Il nous fasse revenir sur Eid en bien. Qu'elle accepte de nous et de vous les bonnes œuvres et autres parmi les formules de félicitations. Et certains ulama, ils ont dit quand même certaines comme Kulu'an ou Antum Bikhair, ça c'est un tajawul kufar. La dernière, elle est valable. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Les sahaba le disaient, les salafs. Les autres, elles n'existent pas. Maintenant, tu dis Eid Mubarak, ça, ama le fait d'avoir des formules particulières pour ce jour-là en soi, il n'y a pas de dalil là-dessus. Et les autres, comme je dis, elles n'ont pas d'origine, mais certaines peuvent être permises. Et d'autres, on te connaît des salafs comme Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Non. Comment coûte-t-il chukra? J'ai appris la remercie. L'asnila. Mata dara al-hiwar bayna Qasim wa Djoun. Quand est-ce que la discussion a lieu entre Qasim et Djoun? Limaza had al-jam al-kabir. Pourquoi ce grand nombre de gens? Limaza yakhruju al-nasu fi yom al-eid. Pourquoi est-ce que les gens sortent le jour du Eid? لماذا طيب أن يصلي المسلمون واسك المسلمون في الصلاة كيف يظهر المسلمون في هذا اليوم comment est-ce que les muslims apparaissent ce jour-ci ce jour-là ماذا يفعل كل المسلمين عندما يقابل أخاه في يوم العيد comment est-ce que le muslim fait lorsqu'il rencontre son frère le jour du عيد اذكر بعض عبارات التهنئة التي يتبادلها المسلمون في هذا اليوم cite certaines formules de félicitations que s'échangent les muslimounes ce jour-là. Elle yufarriq l'islam bin al-nas wa dihdhalika. Est-ce que l'islam différencie entre les gens et classe cela? Et en réalité, non, mais il y a une différence entre les gens. Il y a une différence. Elle yastawi al-lazina ya'lamoun wa al-lazina la ya'lamoun wa al-lazakalouk al-unfa. Est-ce que ce sont égaux ceux qui ne savent pas et que l'homme n'est pas comme la femme? Kazalik, le gouverneur, vous en statut supérieur à nous. Le mari a un statut plus haut que celui de sa femme. Les enfants ont un statut inférieur à celui des parents. Et rien n'est à l'écart. Et les koufars avec tout. Là, il parle des muslimines. Ouais. Oh, non, c'est les gens de l'islam. Il y a des. À la base, le hukm sur nous, il est pareil, mais les droits ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes droits. Il y a des choses qui incombent à certains, pas à d'autres. Par exemple, le riche, la zakat lui incombe le pauvre, il n'a pas de zakat à sentir. La salam. Mais là-bas, c'est que dans la Torah. Et dans l'islam, nous sommes égaux, b'nhif, ma'adha, à taklif, que sur nous s'appliquent les mêmes règles. Et nous avons les mêmes devoirs. Après, ceux-ci peuvent différencier d'une personne à l'autre en fonction des situations. Mais le hukm, il est général, il est présent. Par contre, en ce qui concerne les comportements et les droits à avoir, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Mais, inna akramakum indallahi atqakum. De plus, noble auprès d'Allah, il est plus lent que vous. Là, on va apprendre à utiliser l'expression Ya lahu ou Ya laha min kaza wa kaza. Pour dire une chose, elle t'impressionne. Taïeb, Masalan yakul jam'un azim. T'akul Ya lahu min jam'in azim. Donc le ha domir, il revient à quoi? Au mot qui viendra après min. Si c'est un masculin, tu mets masculin, c'est un féminin, tu mets. سفينة كبيرة. يا لها من سفينة كبيرة. خطبة مفيدة. يا لها من خطبة مفيدة. جندي شجاع. يعني c'est un militaire courageux, guerrier courageux. يا له جن يا له من جندي من جنديين شجاع شجاع. نهر طويل. يا له من نهر طويل. جار كريم يا له من جار كريم عم طيب يا له من عم طيب عمل مبارك يا له من عمل مبارك. خال رحيم. يا له من خال رحيم. نعم. الآن سنبدأ لتقوى كلمة. عندنا عادة. عندنا بعض. عندنا قضاء. عندنا يفرق. عندنا يظهر. عندنا الجمع. الأسر. هنأ. طيب الجملة الأولى. الصديق صديقه عندما سمع بشفائه. L'ami à son ami lorsqu'il a entendu sa guérison. Ada, non? Là. C'est la fin, le dernier? Félicité. Ada. C'est la fin, Ada venir, non? Il est venu. C'est que un verbe, ça peut être qu'un verbe. Ada, c'est un verbe, non? Non, mais c'est pas celui qui vient. Yadharu. Yadharu, Sadiqo, Sadiqahu. J'ai dit tous les verbes, je crois. Bah ouais, bah si t'en as qui était bon, c'est toi qui l'as zappé. Je sais pas pourquoi. Mais c'était Ada. Là, je t'ai dit. Qada. Qada. Attends. Et c'est quoi, c'est son ami, attends, a vu son autre ami. Je crois que tu as eu raison et c'est moi qui m'a trompé. Là, j'ai bien compris, c'est toi qui a, ouais, qui a été inattentif. J'ai mal compris comment tu vas dire la phrase. L'ami, en gros, l'ami à son ami lorsqu'il a entendu ça, sa guérison. Il y en a un, ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Il y en a qui te dit Ada. Ouais, Ada, c'est genre, il serait venu voir quoi. Ouais, c'est pas celui-là qui vient. Ada, il vient dans une autre phrase après. Mais ça aurait pu être correct. Bah. Je sais pas. Ada, khalas, on a zappé. Qaza, ma yunasib. يفرق ما يناسب يظهر ما يناسب هنأ mais je sais pas ce que ça veut dire. Si tu m'as demandé, je t'ai dit. Ça veut dire quoi déjà? Félicité. Et tu l'as zappé. T'as même pas dit oui ou non, tu l'as zappé direct. Ah ouais, j'ai cru, j'ai même. Et après t'es parti dans d'autres qui. Ah ouais. Rafal Tahan. Paye Fania. Sadiqi il est Medinati Firotati l'Aïd. Mon ami dans sa ville lors des vacances du Aïd. Qada. Ah bon? Il est parti mon ami. Qada, ça veut dire partir. C'est un verbe encore. Qada, ça veut dire passer. C'est passé. Alors attends, ça doit passer du temps. Ada. Il retourne dans sa ville. Non. Thalithan, tajamma'u. Fi hada'iq. يتتنزه يوم العطلة se réunissent dans les jardins ou dans les parcs pour se promener le jour de vacances. Le Oussar. El Oussar, famille Hassan. Rabian, Ibrahim ayam el Eid كلها في بلده. Ah. Ha. Al an. Ibrahim les jours du Eid, tous les jours du Eid dans son pays. Qada. Voilà, tu l'as eu le qada. خامسا إن مثل هذا لا يرى لا نراه كثيرا. Un tel on ne le voit pas beaucoup ou souvent. يظهر. إن مثل هذا لا نراه كثيرا. هذا الجمع. Un tel nombre, un tel groupe. سادسا إن الإسلام لا بين الناس فكلهم سواسية. Que l'islam ne entre les gens, ils sont tous égaux. يفرق. نعم. Donc ce qu'elle aime, il y a du vrai et en même temps il y a un tafsil à faire dedans. On dit tafsil entre بين الناس. سابعا الأطفال في يوم العيد بثياب جديدة. Les enfants le jour du عيد avec des vêtements nouveaux. يظهر. ثامنا يعود الناس من الأماكن لقضاء العيد مع أسرهم. que les gens reviennent des lieux, on va dire, je bâcle, pour passer le Eid avec leurs amis, avec leur famille. Bad el Amaki. Non, certains endroits. طيب من هو بتشيز الضمائر تصريف الفعل مع الضمائر ولماذا لا يفرحون وقد صاموا رمضان وقد نسيت شغل با كونتون alors qu'ils ont jamais رمضان tu fais la même phrase avec les ضمائر qui sont dessous ولماذا لا يفرح وقد صام رمضان لماذا لا تفرح وقد صامت رمضان نعم نعم نعم نعم واحد اثنين نعم ensuite هما Là, ah oui, non, c'est ça. Ah ouais, ils ont coupé, ouais. Walimadala, Yafrahan, Wakad Saaman, Wakad Saama, Ramadan. Wunna. Walimadala, Yafrahna, Wakad Samna, Sum, Wakad Sumna, Ramadan. Walimadala, Tafrah, Wakad وقد صمت وقد صمت رمضان ولماذا نحن ولماذا لا نفرح وقد صمنا رمضان ولماذا لا تفرح لا تفرحين لا لا تفرحين تفرحين لا ولماذا لا تفرحين وقد صمتين وقد صمتين لا صمتي اوي ميسيس أنت سمتا؟ أنتي سمتي؟ نعم سمتي. ولماذا سمتي؟ وقد سمتي رمضان. ولماذا لا تفرح لا تفرحون؟ كنت تشوف الحركات. ولماذا لا تفرحون؟ لماذا تشوف كل الحركات؟ شو la première pas la deuxième. ولماذا لا تفرحون؟ أيوة. وقد سمتم رمضان. أحسنت. طيب الخامس خليه فرد السادس على سيكون في البيت كومبليتي العبارات السويفانت المسلمون في يوم العيد قضى أحمد نهر يوم العيد هذا الجمع العظيم أتعرف يا صديقي لماذا يزور المسلمون وافقت ثم السابع سيكون في البيت لا خلي السابع في بتو الثامن أحسن يعني استعمل كلمات التي بين قوسين في جمل مفيدة que les deux phrases les deux mots dans chaque entre parenthèses tu les mets dans une phrase مفيدة عمي أبناءه mon oncle paternel ses fils عاد في موعده recommencer son rendez-vous. Elle renie, elle fakir, le riche, le pauvre. Nazara, aramat el farah, regardez les signes de joie. Fariha, shah ramadan. Il a été content au mois du ramadan. Yunahi'u, ba'adha, félicite certains. El hadith, marrat, la discussion. Yunahi, ça veut dire féliciter? Aïwan, hanna'a. Là, je l'ai dit. Ah oui, d'accord, je sais. Là, il est conjugué, là. يهنئ طيب زيارة الأعمام والأخوال la visite les oncles et les tantes ou plutôt les oncles paternels les maternels c'est pour cela tu m'avais dit que la dernière fois je m'étais imposé un truc et là je le mets dans l'ordre que je veux c'est ça lui l'a dit de mettre les mots dans une phase mon fils n'avait pas dit le premier en premier ou deuxième ouais, c'est ça nous donc mille bittasir دع الأسئلة الإجابة التالية مثل كيستيون كونسيونت وصل عمي أمس مون أونكل أريفي هيير يعمل خالي طبيبا مون أونكل إي ميدسان أرى على وجوههم السعادة جو سو فيزاج لو بونير أقضي عطلة عيد الفطر في كوريتي جو باس لي فاكونس دو عيد دون مون فيلاج نزور جيراننا كل يوم نزور نوازان كل يوم عاد تذكرتا إلى مكتب الحجز كلا retourner au rendu on va dire le billet à l'agence de réservation ça c'est un bait non on vient d'en attaquer والحمد لله رب العالمين